respect. Je ne plus jamais tes pieds. Et c'est super. J'étais dans tout mon propre. Et c'est super. J'en veux de super. Des banales odeurs. J'en veux de super. Plus fort que ton père. J'en veux de super. Plus fort que ta mère. J'en veux de super. Bientôt, maître de la terre. Sympa, intelligent, haut, classé, très patient. Toujours à la mode, jamais bien mal commode. Coulé, charismatique, instruit et drôlatique. Et même sans doute un petit peu magique. J'ai tout des qualités, on peut rien reprocher. Je suis tellement super que Dieu il en est vert. Je vais tous vous dominer, mettez-vous à mes pieds. Allez, prosternez-vous avant que je devienne fou. J'en veux de super, des banales odeurs. J'en veux de super, chocle de super, bientôt, maître de la terre. Vous n'êtes qu'une bande de fourmis. Vous n'êtes qu'une bande de fourmis, grouillant sous mes super pieds parfaits. J'espère que vous ne tenez pas à la vie, car je vais vous écraser sans pitié. Maintenant qu'il est mort, tu sais, on l'appelle plus Jean-Claude Super. Non, tu sais comment on l'appelle maintenant? Non, maintenant on l'appelle plus Jean-Claude Super, mais on l'appelle Jean-Claude Sous-Terre. Bon, ok, je me tais.